Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Le Stone Rock Show. Émission Olive. Et salut à toi, ami du rock. Bienvenue dans le Stone Rock Show, ton rendez-vous du mercredi soir 22h sur Stone Rock Radio. Moi, c'est Olive et je vais t'accompagner pendant une bonne heure avec du bon son rock. J'espère que tu passes un bon moment sur Stone Rock Radio. Merci à Tom pour son émission Dirty Rock Party Show, que vous retrouverez mercredi prochain vers 21h sur Stone Rock. J'espère que tu as apprécié le petit best-of spécial punk de la semaine dernière. Bah ouais, un peu de repos ça ne fait pas de mal, et je ne t'ai pas laissé de côté en te proposant une playlist complètement destroy. Alors je te rappelle le concept du Stone Rock Show de cette saison, on va remonter le temps jusqu'en 1978, et s'intéresser à ce que passaient nos voisins britanniques dans leurs émissions rock à cette époque où le disco dominait les charts et envahissait les ondes, mais tout en gardant l'esprit Stone Rock Show des saisons précédentes avec les petits jingles et les interventions humoristiques. Je te passerai donc du classic rock, des extraits d'albums sortis entre janvier et juillet 1978, des titres rock complètement oubliés, une session de John Peel enregistrée en live dans les studios de la BBC entre 1977 et 1978, des curiosités électro et crotrock. Je vais également te faire découvrir les grands débuts de la vague New Wave qui a pris de l'ampleur au début des années 80, mais également de beaux morceaux soul et reggae. Alors au programme de The Stone Rock Show épisode 24, des épingles à nourrice, du calme et de l'énervé, de la ganja, du collector, du vinyle qui craque, du rock fort, du classic rock et de la pile session. Allez, let's go! On commence tout de suite avec la première série Destroy, avec Escort Girls de The Prefect. C'est une chanson punk rock qui a été publiée en 1978. Escort Girls est une chanson rapide et énergique, typique du style punk rock de l'époque. Les guitares sont bruyantes et agressives et la batterie est rapide et frénétique. Les paroles de la chanson sont écrites du point de vue d'une prostituée qui décrit les difficultés de sa vie quotidienne, notamment les violences qu'elle subit, les maladies qu'elle attrape et les risques qu'elle prend. La chanson est très sombre et poignante et reflète la réalité brutale de la vie des travailleuses du sexe. The Prefect était un groupe de punk rock britannique relativement peu connu à l'époque, mais qui a acquis une certaine notoriété grâce à leur association avec d'autres groupes punk tels que The Clash et The Sex Pistols. Escort Girl a été publié en 1979 sur l'EP Going Through the Motions, qui comprenait également d'autres titres tels que Barbarella et VD. Je te passerai ensuite Orphans de Teenage Jesus and the Jerk. C'est une chanson post-punk qui a été publiée en 1978. Orphan est une chanson assez courte, d'environ 1 minute et demie, et se compose principalement de bruits dissonants de guitare, de percussions et la voix de Linja Lunch qui crie et hurle des paroles sombres et poétiques. La chanson a été publiée sur l'EP Orphans de Teenage Jesus and the Jerk en 1978, qui comprenait également d'autres titres tels que The Closet, Less of Me and My Eyes. Teenage Jesus and the Jerk était un groupe pionnier de la scène musicale New Wave de New York qui a émergé dans les années 70 et était caractérisé par une musique expérimentale, bruyante et avant-gardiste. On enchaînera avec Al Roker Jr. et le titre Too Nervous to Rock, extrait de l'album Rockabilly Guitar Man sorti en 1978 chez Frog Records. Al Roker Jr. était un personnage de rockabilly créé par Bob Clifford, originaire des forêts de Middlesex en Angleterre. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce titre. Et on terminera cette série avec le titre 78 RPM de Stiff Little Fingers, que je t'ai déjà passé lors d'une émission précédente, mais on ne s'en lasse pas. Stiff Little Fingers est un groupe de punk rock originaire de Belfast en Irlande du Nord, qui a été formé en 1977. Ils ont été l'un des groupes les plus importants de la scène punk britannique et irlandaise et ont sorti plusieurs albums acclamés par la critique tout au long de leur carrière. 78 RPM est une chanson qui parle de la pression sociale, de la difficulté de s'affirmer en tant qu'individu dans une société qui semble vouloir tout uniformiser. Les paroles sont engagées et reflètent l'esprit punk du groupe, avec une certaine dose de rébellion et de contestation. Mets le volume à fond et fuck les voisins, c'est le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio. Punk's not dead. C'est quoi ce bordel ? It's not a dance, but a man to walk. les couilles, mais d'une force, alors. Deuxième partie du Stone Rock Show avec Mary Monday, chanteuse américaine de punk rock et de new wave, née le 20 décembre 1950 à San Francisco, en Californie. Elle est surtout connue pour sa chanson Pop Gun, sortie en 1977 et qui est devenue un classique du punk rock de la côte ouest des États-Unis. Mary Monday a commencé sa carrière musicale en tant que chanteuse pour divers groupes locaux de San Francisco dans les années 70. Elle a finalement formé son propre groupe, The Beaches, et a sorti Pop Gun en tant que single en 1977. La chanson a été produite par David Robinson, qui a également travaillé avec des artistes tels que Santana et The Chamber Brothers. Pop Gun est une chanson énergique et accrocheuse, avec des riffs de guitare rugissantes et une voix enjouée et insolente de Mary Monday. Elle a été l'une des rares artistes féminines à faire partie de la scène punk rock de San Francisco à cette époque, et elle a contribué à briser les stéréotypes du genre dans ce genre musical. Malgré le succès de Pop Gun, Mary Monday n'a jamais réussi à atteindre la même notoriété que d'autres artistes de la scène punk de l'époque. Elle a sorti d'autres chansons et l'album tout au long des années 80 et 90, mais a finalement quitté l'industrie musicale pour se concentrer sur d'autres aspects de sa vie. Je vais te passer donc Pop Gun, mais juste avant, je te jouerai la face B, I Gave My Punk Jacket to Richie. On enchaînera avec Voices on the Air, chanson de Siouxsie and the Banshees, qui est la face B du single Hong Kong Garden. Siouxsie and the Banshees est un groupe de punk rock britannique qui a été actif de 1976 à 1996. Ils ont sorti de nombreux albums acclamés par la critique et ont été très influents dans le mouvement post-punk et new wave. Voices on the Air est une chanson sombre et atmosphérique avec des guitares et des claviers éthérés qui créent une ambiance inquiétante. Les paroles évoquent des voix qui résonnent dans l'esprit, créant une confusion et une désorientation. Et on terminera cette série avec le Wire de la semaine, le titre Mercy, extrait de l'album Chair Missing, sorti en 1978. C'est la décadence. Hein. Come on. Les autres, bordel de merde. We'll be right back. Si tu viens de nous rejoindre, tu es bien sur Stone Rock Radio avec le Stone Rock Show. Et c'est Olive à l'antenne pour t'accompagner une petite partie de ton mercredi soir. J'espère que tu passes un bon moment avec du bon son rock passé sur les radios british en 1978 et que tu découvres ou redécouvres les titres ou les groupes de cette belle époque musicale. Bon, je ne devais pas en parler ce soir, mais la nouvelle est tombée depuis vendredi dernier. Stone Rock Radio arrêtera d'émettre en juillet 2023, donc on termine cette saison du Stone Rock Show jusqu'en juin, et on verra par la suite si je continue l'émission en podcast ou sur une autre web radio. Troisième partie de l'émission avec Stay Hungry, une des chansons les plus populaires de l'album More Songs About Breeding and Food de Talking Head. La chanson a été écrite par David Byrne, le chanteur et leader du groupe. Elle se distingue par sa ligne de basse groovy et ses paroles inspirantes, qui encourage l'auditeur à poursuivre ses rêves et à ne jamais se satisfaire de moins. Les paroles de la chanson reflètent l'optimisme et l'ambition de la jeunesse en déclarant que Les meilleures choses de la vie sont gratuites, mais vous pouvez les garder pour les oiseaux et les abeilles. Maintenant, donnez-moi de l'argent, c'est tout ce dont j'ai besoin. La chanson se termine par un refrain entraînant qui répète le titre « Stay Hungry » plusieurs fois, créant une sensation de motivation et détermination. Je te passerai ensuite « Repetition », face B de l'IP « Bingo Masters Breakout » du groupe The Fall. « Repetition » est une chanson qui se caractérise par une structure répétitive, un rythme hypnotique et des paroles sombres. Elle est souvent considérée comme l'une des meilleures chansons de The Fall, grâce à sa combinaison unique de rythmes répétitifs et de paroles incisives. Les paroles de la chanson se concentrent sur la monotonie de la vie quotidienne, avec des phrases répétées qui évoquent une routine sans fin. Repetition, repetition, repetition. Le chanteur Mark E. Smith utilise un ton cynique et ironique pour décrire cette situation, créant un contraste saisissant avec le rythme de la chanson. En tant que groupe, The Fall a été l'un des pionniers du post-punk et a influencé de nombreux groupes ultérieurs, tels que Pavement, Sonic Youth et LCD Sound System. Repetition est un exemple clair de leur approche musicale innovante et de leur style unique. C'est le début d'une belle aventure entre l'animateur John Peel et le groupe, qu'il invita 24 fois à jouer dans le John Peel Show et dont il dira que c'est son groupe préféré. On enchaînera avec Deborah de Dave Edmunds. Deborah est une chanson pop-rock entraînante avec un riff de guitare accrocheur et un refrain mémorable. Les paroles parlent d'une femme nommée Deborah qui est décrite comme ayant une forte personnalité et une certaine indépendance. La chanson a été écrite par Nick Lowe, qui a également produit l'album Repeat When Necessary. Lowe est un musicien et producteur britannique qui a travaillé avec de nombreux artistes de la scène pub-rock et new wave des années 70 et 80. Deborah a été publié en single en 1979 avec Turn You Every Way But Lose en face B. La chanson a atteint la 56e place des charts britanniques. Le riff de guitare de Deborah est souvent comparé à celui de la Bamba de Richie Valens, bien que Dave Edmunds ait déclaré qu'il n'avait pas été inspiré par cette chanson. Cette chanson a été reprise par plusieurs artistes dont The Iguanas et Dwight Yoakam. Dave Edmunds est un musicien britannique qui s'est fait connaître dans les années 70 en tant que membre de Rock Pill, un groupe de pub rock qui comprenait également Nick Lowe. En plus de son travail en solo, il a également produit des albums pour des artistes tels que Elvis Costello et The Stray Cats. Et on terminera cette série avec le reggae de la semaine, Prince Farwan et le titre Frontline Speech. Prince Farwan est un artiste jamaïcain de reggae et de dub actif dans les années 70 et 80. Il était connu pour sa voix profonde et sa poésie spirituelle, ainsi que pour son engagement en faveur des mouvements Rastafari et Black Power. Oh,

Mais vous fumez, monsieur. Fart days and fart nights, Jah alone in the wilderness. Fart days and fart nights, the Almighty God alone in the wilderness. Up on the mountain, King Alpha speak. Out of his mouth came it fire and brimstone. Now you looked around him and fell around. Now you ask himself the question, if I am right. Not the deep on front line, but him don't keep wine. Not the deep on front line, and him pay that no more. Bright soul I make you turn back. In bright soul you shouldn't turn back. In bright soul I make you turn back. Not in deep and front line, and him don't eat swine. He pay that no mind. Bob Marley say a rat race, but this bigger than rat race. This a human race, what a big disgrace. And what a big disgrace. 40 days and 40 nights, the Almighty God alone in the wilderness. Up on the mountain, King Alpha speak. Out of his mouth came it fire and brimstone. Jah not coming back with no water, but with fire. Jah not coming back with no water, but a fire. Not the deep on front line, and him don't eat swine. He pay that no wine. Not he pay that no mind, and him don't eat swine. 40 days and 40 nights, she alone in the wilderness. Bright soul I make you turn back. In bright soul I make you turn back. In bright soul you shouldn't turn back. Not he deep on front line, and him don't eat swine. Deep on front line, him don't eat fine. Not the pay that no mind, not the trade well time. Up on the mountain, King Alpha speak. Out of his mouth came it fire and brimstone. Now you looked around him and fell around. Now you ask himself the question, if I am wrong. Don't shall I tell. Jah not coming back with no water, but a fire. Jah not coming back with no water, but with fire. Up on the mountain, the Almighty God speak. Out of his mouth came it fire and brimstone. The Stone Rock Show. L'émission d'Olive. Quatrième et dernière partie du Stone Rock Show avec une série classique rock. On commence avec Only You Can Rock Me, chanson du groupe britannique de hard rock UFO. Elle a été écrite par le guitariste du groupe Michael Schenker, le chanteur Phil Moog et le producteur Ron Nevison. La chanson est parue sur l'album de UFO intitulé Obsession, sorti en 1978. Only You Can Rock Me est l'une des chansons les plus connues de l'album, avec d'autres titres tels que Doctor Doctor et Too Hot to Handle. La chanson a un rythme entraînant et est caractérisée par les solos de guitare de Michael Schenker, qui est considéré comme l'un des guitaristes de hard rock les plus influents de l'époque. La voix distinctive de Phil Moog donne également à la chanson une qualité mémorable. Ensuite, je te passerai Louie Louie, chanson populaire qui a été reprise par de nombreux artistes au fil des ans, y compris le groupe de heavy metal britannique Motorhead. La version de Motorhead de Louie Louie a été publiée en 1978 en face B de leur single Teriyah Down, et elle a également apparu sur la compilation No Remorse en 1984. La version de Motorhead est caractérisée par la voix puissante et rugissante du chanteur Lemmy Kilmister, ainsi que par le riff de guitare lourd et rapide agressif. On enchaînera avec Don't Look Back, chanson du groupe de rock américain Boston. Elle est sortie en single en 1978 et a également donné son nom à l'album du groupe sorti la même année. Don't Look Back est une chanson très reconnaissable de Boston qui a marqué l'histoire du rock. Elle est caractérisée par des guitares incisives, des claviers aériens et une voix puissante. Tous des éléments clés du son emblématique de Boston. La chanson commence par une introduction instrumentale de guitare et de clavier qui prépare l'auditeur à la montée en puissance qui va suivre. L'entrée de la batterie et de la basse donne le ton de la chanson qui est également rejointe par des guitares électriques. Le refrain accrocheur est chanté par Brad Delp qui utilise sa voix incroyablement haute et puissante pour créer une ambiance épique. La chanson parle de l'importance de ne pas regarder en arrière et de continuer à avancer malgré les obstacles et les difficultés. Les paroles sont simples mais percutantes et sont renforcées par la musique accrocheuse et le chant émouvant de Delp. John Peel disait, lorsqu'il a diffusé ce titre dans son émission The John Peel Show, que c'était le genre de rock FM qu'il détestait mais qu'il était obligé de passer pour la promo du groupe. À toi de juger. Et on terminera cette série avec Don't Kill the Wave, chanson du groupe de rock progressif britannique Yes. Elle a été publiée en 1978 sur leur album Tormato. Don't Kill the Whale est une chanson engagée qui aborde le sujet de la chasse à la baleine et de la conservation de la vie marine. Les paroles de la chanson mettent en garde contre les conséquences de la classe excessive des baleines, soulignant l'importance de protéger les océans et les espèces marines. Musicalement, Don't Kill the Whale est une chanson caractéristique de Yes, avec des parties vocales harmonisées complexes et des passages instrumentaux virtuoses, notamment une partie de guitare électrique de Steve O et une partie de clavier de Rick Wakeman. La chanson a également une ambiance assez sombre et atmosphérique avec des éléments de rock progressif, de jazz et de musique classique. Spend new différence y a-t-il entre le bon et le mauvais hard rock? Disons que le bon hard rock, c'est un mec qui est sur scène, tu vois, il a la guitare, et puis il crache, tu vois. Et le mauvais hard rock, le mec il a la guitare. Il est sur scène, il crache, mais. Bah, si tu veux, c'est simple, ouais. Le mauvais hard rock, le mec, bon, il a la guitare, il crache. Alors que le bon hard rock, bon, le mec. Il a la guitare, non, mais vois, il crache, ça n'a rien à voir. C'est une question, tu as le mec qui fait du mauvais hard rock, il arrive, il prend la guitare, il crache, tu vois, c'est tout. Le mec qui fait du hard rock, il prend la guitare, il crache. Mais bon, on en avait parlé dernièrement à Toulouse parce qu'on est allé à la chasse à Sarah, à Gaïnet. C'est évident, il y a le bon et le mauvais hard rock. Yeah.

Et vendredi, retrouve Jeanne en live. Et je dis bien en live. Vers 21h avec Totalement Rock. Tu peux retrouver le Stone Rock Show sur Mixcloud, sur la page de la radio ou sur le site archive.org en tapant tout simplement le Stone Rock Show. Sinon, abonne-toi sur Facebook pour être au courant des news ou de la prog. Allez, bonne nuit à toi, ami du rock, et à la semaine prochaine. Merci pour ta fidélité. Bye! Discovering new sins. You took a thousand liberties with me. The science of supplies for this kind of instant intimacy. Then you tell me so, it's time to go for now. Why not see the show? We'll touch you go away. For the pavement, a million dark hearts, burning your quality, a fashion of her arms between, a biscuit that damage reps you, a take your pleasure seriously. Trying to catch you something. Do you wanna open me up? Do you wanna close me in? Then you tell me so. It's time to go for now. Why not see me so? We'll touch you go. Oh, wow.